بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي عبد الحرازم براد ناقلا عن شيخنا وسيرتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في شرح صلاة الغيبية في حقيقة الأحمدية من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، فحكم على نفسه سبحانه وتعالى على نفسه باختياره أنه لا يترك الصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم حتما مقضيا اعتناء منه بحبيبه صلى الله عليه وسلم كما اعتنى بجميع الوجود، حيث حكم له على نفسه بالرحمة فقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، إلى آخره. نحن جتاي بي سنجي يمونتي ما نمتي صلاة على النبي بك ومنك إليك وإليك وعليك على وعليك manam ci manam lo xamne day day teggu ci sa kaw manam mu nek lo xamantene ci sa kaw manam day koy ngar dajjo donc koy yanu donc koy wala comme ni nga xamantene lool nak moy mana bi nak mom moy kawé wayuk jappan manam ak manam ak jappandal ak yitté manam moy jox importance jox assistance wa dafa yengul wala jox importance jox assistance na borom subhanahu wa ta'ala dafa jox yitte wana wala yitte jox importance dafa yitte wo yenen tam bi sallallahu alayhi wasallam ci di julli ci mom ba du ko bayyi manam mu jox yitté ci yentou sallam ba par di julli ci mom tamit té duko bayyi duko manam sagane wala ci dara comme ni nga xamné non la borom subhanahu wa ta'ala wax tamit manam de toute façon mindeef yépp non lay doxal ak ñom ndax néna amul bénn daba wa mam daba la ilaha illallah amul bénn daba dara luy duko ci kaw su lool né yalla mom moy yanu wërsegam manam moko supporter manam mom moko tek kaw bopam ne man mako yanu li mom yanu nako man manam sama ci sama responsabilité la tego wala manam kon lolu muy atté bo xamné borom subhanahu wa ta'ala moko atté ci kaw bopam du ko bayyi wala ak borom subhanahu wa ta'ala limu wax né وإذا جاءكم الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة مو لول ولا بروم سبحان الله موم مو غار داجو مو تك بوبم مام تي كام مام يرمندي بوبم سبحانه وتعالى موم لا مانام موم موي موم مو اتي ني لول اتي لا بو خامتيني موم موكو اتي تي كام باغا خامني دو مانا جاباندي مانام موتيك مبير موما té loola am xel mënu ko nangu xel man ta imaginer né borom subhanahu wa ta'ala yeurmane gog nga xamné mom la tek bopam garda djog bu diñu liñ do wax yépp légui wala borom bi minde fa bi du len sacrifier non dafa sacré trop ci mom ça veut dire que mu len di baye ala merci de kum mëna don am sadu ko biso xolal yenen tib sallallahu alayhi wasallam gis nga lim wax ci xaj mun laula annal kilab ummatun la amartu bi qatlihim gis nga lim wax budul won xet lay xaj kon donon dina len digel ñu ray len mais le fait que ñu nek xet yalla joxul ken ben possibilité mu meuna exterminer ab xet joxuko ken d'ailleurs kuku muntu djem du ko réussir hein lool c'est la chose bi nga xamantene kuku meuna djem du ko réussir amul ben segam lool ci animaux yi sax la waxuma la ci nit ni tay ben bo ñewon ne legui comme gayne dafa mëna loraté man gayne ci waxu la exterminer da ngay do ko réussir do leen mëna jéxal yalla mo mayul kenn ben nit wala ben mindeef mu am doolay mëna jéxal manam mëna fad mindeef yi non rek ci mali foro loolu deug jéxal leen non deug même nit sax nit ci jëm bopam nit ak même boudé yéfer han yalla mayul possibilité wu nit ni manam que ni bay manam bay nit ni à la merci de xolou ben way manam kumu neex mu dé kumu neex mu dundu kumu dédé yalla deful lolu à la merci wu nga xamantene solo ay humeur nit ki rek ci la alkandé nit ñi ak seenu texé di aju dédé yalla deful lolu lolu mom mo garnajo yoy ci yalla la aju gis nga wala sa borom alhamdullilah ba nga xamantene dundu nit ñi seen mbir yi teggu ko ci loxo kenn alhamdullilah parce que su ko teggon ci loxol ben nit kesse hein wërse gis nga wërse gu jami bu ko yalla teggon ci hein nako la am sagat mu kasar nako la ko sa nak ak la kasar so infaq wa kana insanu qatura nako la ko sa hein ci source isra la la xamna yalla bu jëlul wërse gu jami tek ko ci loxol ben nit tay ne ko yow legi jami ya len di wërse ga wala bari limi dé passé da la tax ba mune non ndax nga wax ngot manam day dem ben mo do du joxe day tié parce que affaire bi da fay bari quoi limi joxe waaw ndax khashatal infaq voilà la am sakatum khashatal infaq manam ragal dépenser mo len mo koy mujjé arrivé voilà parce que nit dafa nay manam dafa ngott voilà c'est ça aussi lol la motax yalla lol tigu ko ci loxol kenn bayyi wu ko kenn alhamdullilah ba yalla moy suñu borom Allah alhamdullilah gis nga motax kaddu ko alhamdullilah rabbil alamin Alhamdulillah rabbil alamin heureusement que yalla moy suñu borom gis nga keneen bu do alhamdulillah bi yalla moy suñu borom gis nga bu do keneen ay suñu borom kon affaire yi to ak mais alhamdulillah bi yalla moy suñu borom alhamdulillah ah oui kon bir mi lu demé ni mu démé wa manam borom subhanahu wa ta'ala ni mu défé ba kenn ku ci nek mu dila wërsegal kenn ku ci nek mu jox la jamm kenn ku ci nek mu defal la xéewal kenn ku ci nek mu am ay manam ba paré du faté kenn du ko préoccuper wul def kenn voilà comme qissa bobu ñuy wax ne sayyidna ali karramallahu wajhu dañ ko laaj ne ko ndax manam est ce que yalla nan lay def manam nan est ce que du faté ñen ñi dal ki wu seen wërseuk mu ne est ce que bu suma joomul moy dañ len est ce que bu jant bi feñé dañ ñew dañ yexi ci kër wala bu guddi joté dañ lendam sa kër mune waaw mune non la tam yalla non la def day wërsegum fokk kenn ku ci nek da na ko jox wërsegum du fa ta kenn de toute façon kenn ku ci nek alloué na la non ay atomi air molecule air yo xamne mo nga wara respirer te yaang koy respirer bu jeexé da nga fi jogé mais limu la alloué ba paré molecule sangam kenn du ko respirer koudul diou sangam جهل والله مو يال الله داف كين موسى كو وانا بو ريسبير مولكيلو جامو غوت دو سانغام مان توخ ندوخ سانغام دمكو بيند سبيسيالمون بور كو ديو سانغام نانكو كين مون ولا بوكو سانغوكو ولا بوكو دانا كين مونو موسى كو وانا با كونسومي توخ ندوخو جامو مون دال اتسيترا waxuma la nak yeurma deg nga xamne mom la tek maam lolou lepp dafa duggal ci yeurma deg nga xamne mom la ngar dajjo tek ko bopom di mom sama yeurma de la man ma ko waral sama kaw te dana ko def te munu ñu imaginer lolou baña am ndax lan comme nim ko wax dayer ma yu badalu qawlu la daye man sama wax du soppe wax ci fu man du soppe lim wax rek lolou dana ko def Voilà. Heureusement que mon mot est bon. Subhanahu wa ta'ala. Et vous créez mes comptes sur le bon mot. Déjà taïna, voilà mon yoka, voilà son nom. Voilà, c'est le Disney qui est wala mu day jek jek ben jour ak humeurum japp ko mu mer wala yoy wala e ko mo suñu borom mo ñu gëna yërem ñepp mo ñu gëna bëgg ñepp wala té mayul kenn possibilité loolu yalla def ko deful ko kenn ça il faut ñu xam ko gis nga même wali lu mu for munu la alak soko deful dar defuma la dara mom non mom munu lo ma da ko mana don man defuma la dara man toyuma la yalla mayul lol ken mayul ken muy am manam solo ay so du meuram rak muy alak nit ni wala mu len di texelo lol manam c'est à dire que bu fekke man defuma la dara mais dara nga ma manal et que contraire bi est dafa valable waliyu c'est à dire que su fekke tane manam yowit buggo sopoko et cetera munu la jari voilà do la jari ba mu dess ci yenn ka rare yi nga xamantene ñom meun nañ la soppal seen bop jariñ la mais lool il faut ñu déjà il faut que seen kay way mag ñaara ba moy il faut nga baña am ki contre ñom c'est à dire que parce que c'est un qui leen contre ñom duñ ko mëna jaré ben animosité voilà ben animosité contre ñom mom duñ ko mëna jaré voilà denga mëna kon nak fa hakama teurul na atta ala nafsihi ci kaw bopom mom borom bi subhanahu wa ta'ala sallallahu wa ta'ala ta'ala ala nafsi ci bopam bi ixtiyari ci tanefam manam gis nga dafa repeté wat ala nafsi bi ci motax ci yenn nusakh yi bobu non ala nafsi bobu non bu jëk bi amu ci voilà deug bi ixtiyari annahu naka mom kat la yatruku du bayyi as-salatu julli ala habibi ci sopem bi sallallahu alayhi wa sallam santam doliko mu ci hatman hein ci lo xamantene daf ci dogu maqdiyan mu nek lu mu dogal borom subhanahu wa ta'ala mom mo garda jo ci kaw bopam atté ci kaw bopam ne du bayyi mukk ci di julli ci sopam bi sallallahu alayhi wa sallam i'tina an mu nek ak hein jox yitté ak solo minhu bu tuké ci mom borom subhanahu wa ta'ala bi habibi ci sopam bi sallallahu alayhi wa sallam te bu dool ko mu kama kem ne yaa xamantene yaatana non la joxe yitt ak solo bi jamee wu jodi ci molem minde fi khaysu fa nga ba nga xamantene hakama atena mom borom bi lo ho ñeel minde fi yep ala nafsi ci kaw bopam bi rahmat ci yermunde comme ni nga xamantene non la ko wax fa xala mu daal wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul an'am ay 54 kataba dogal na rabbukum sen borom ala nafsi ci kaw ar rahmat yermunde al ay bobu lañ wax fatalaba kon fi wala manam kon lol la manam kon borom subhanahu wa ta'ala dafa atté ci kaw bopam ne han ci tann bi mu tann manam aussi buñ né yalla dafa att ci kaw bopam te telewul né dañ ko forcer wala dafa dede mom mo tann né man li lay def ci mbaxam et que dara il n'est tenu de rien parce que yalla lolu aussi yalla amul dal amul lu ko forcer ci dara wala lolu mom itlaq rek mo daw ci mom lu ko neex rek lay def lu ko neex même bu dé dogal na ci kaw bopam yeuruma né lolu moko neex motax mais nak yeugal nañ ko c'est ça aussi le fait que xam nga manam bu ko neexé mu soppi lolu mën nañ ko wax mais comme mom néna li moko neex ñun nit mënu ñu def loolu gëm né li moko neex wa su ko neexon lola du ko neex mais mom mo dogal né li mom moko neex li yeugo neex ara kon dogal na ci kaw bopom ci tanef ne mom du bayyi julli ci yenen te bi sallalahu alayhi wasallam ni mi soppel te lolou lu mu dogal la lu jeex la manam wala ngir jox solo gu mak gi mu jox solo yenen te bi soppel bi sallalahu alayhi wasallam comme ni nga xamne tam non la dogal ci kaw bopom ci mbolam minif ne len ne yeureum ndim day daw ci ñom ak wala bok dafa am yitte manam solo importance bu mak assistance bu reuy bu mu amal yeneen mbinde fi sauf que yeurmande xam nga ni dañu wouté yeureum bi mu yeureum mbinde fi téréwul mu dilen tek ay ciono ci aduna téréwul ñuy am ay nat téréwul ñuy fébar té pourtant da leena yeureum donc da konté wul ak ki yéfir bi nga xamantene gëm ko ki nanga yeurumande du téré mu mën ko duggal sawara té téré wu yeurum nako voilà donc amul contradiction voilà bu boba laaj bi mën na délu ci né non mais bu ko duggalé sawara té yeurumatu ko nak boba tontu bi moy né le simple fait que mu duggal ko sawara té munul ko tek lu gëna metti sawara lolou yeur ma ngal gëna bi ci dess mom moy dako atté rek ci jëfum manam téguko mbugal bu upp li jëfum mérite té munul nako tek lu na lu ko gëna metti mu ñaar le simple fait que mu koy won manam le fait que mu nek bir sawara nek sabab ba mom muy xam boromam kokou xet yeuruma da ci jalal ga la koy xamé mais le fait que ngay xam sa borom lolou rek lolou yeuruma di upp ko dool donc lolou yeuruma ndi la hakikata xet yeuruma ndi la kon limu wax na da len di yeurum lolou di ñul batay hein ñi ngi fi ba tay parce que lolu yeuruma ndal yi yeb ay yeuruma ndal suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ñu xabaare ne mom yeuruma ndé moko neex ci minde mo ñu xabaare existence aljana ak sawara mo ñu xabaare existence ay awliya allah no awliya ar-rahman ak ay ganam zalika jazaa'u a'da'illahi an-nar moñu wax ne ci payu nonu yalla yi moy sawar ñun mënu ñu def loolu gëm ne yalla dafa am ay awliya ak ay a'da moko wax mënu ñu wax la nak moñu ne adena existé na sawara existé na dañ koy gëm comme ñu ko wax duñ ci dind dara duñ ci yok dara moñu ne yermandim dafa lamb lepp ba mo jitu meram non lañ ko gëmé mënu ñu ci yok dara duñ ci wañi dara and ak lolu yépp manam yermandim gu yaatu gogou ba lamb lepp nak comme wa rahmatuhu wasi'a kul shay yermandem dafa yaatu ba lamb lepp moñu ko wax non tamit lañ koy gëmé tête le fait que ñuy gis ay yenn xétu kon ñun lu ñuy gis yépp en réalité yërmënde la ci suñu bëtt lay nekké musibo mais yërmënde la ki nga xamantene dafa juddu am ay xéetu fièvre maggé fièvre yoy amul alal manam nek pauvre ci aduna nek ci ay tiaxan deung wolé ci hein di def yofi djubadi rek xelam ak khalatam duñu def dara luum djubadi mu déwé non manam dundu ci malheur nek ci ay problème yurul jeex ci aduna dé dem sawara sax fa abadan ndax musul gëm yalla batay dañ nan mi ngi ci bir yeur mu da yalla ci bir yeur mu da yalla la nek naka jek hmm wala ndax yeur mu ne mo gëna mo lambo lepp le simple fait que moy mënon na gërepir lola nat bu nek mënon na en intensité et en quantité mënon na gëna reuy ci intensité ak quantité nat yimu romb yeb benn bu ci nek mënon na gëna reuy bolé ko yalla mënon nako tek lu gëna graw lim ko tek boko bolé le fait que yoy yeb après bu démé bi sawara fofu nak yalla da nako won bokkum ci yoy ak xéet yoy manam yoy yeb xéet yërmënde la wala manam duñu né duñu né jëmmé mbugal gi kon dootul yërmënde dedet manam mbugal gi ci jëmmé bopam yalla mo ñu né amna ba paré yalla mo ñu né saxna loolu ci jëmmé bopam jëm yërmënde la parce que fofu loolu tam benn ki la bu am solo gis ki la bu dikkala quoi manam ci ki bi ci question yi manam voilà moy ci atur rahim bob yermande ak yalla ni mu yaato wala manam motax nu arif billahi buñuy wax ci yaatu yermande gogo non djublu wuñ ci ne sawara existé wul wala yoy parce que ci sen bir bo xolé comme cheikh bi manam ni bu gisé muy traiter question bob da ngay gis même ci sen bi ci bir wax ji da ngay ci gis muy wax gaay da ngay dem sawara nangam ki malgré lolu mu ci wax sax mais manam manam bi ni la ci djublu manam que ni malgré yoy yep c'est dire que ci sa beut yow mën na nek né du yeur mais en réalité yeur mu deug yalla la c'est dire que le fait que mu sax no comme niko awami comprendre hein affaire yi metti affaire yi ter nangam mais yeur mu deug yalla mi ngi ci bir mbugal gi manam c'est dire que cela veut pas dire que yeur mu deug yalla bu tego ci mbugal rek mbugal dootul exister dedet mbugal bi mi ngi exister mais mbugal bi jëm mi mbugal bi yeur mu deug yalla voilà lolou lay tek mo nek ta jawhar maani tam sayyidul kharaz radiyallahu anhu ngi ci yaatal masala bob ci benn buntu ci danaka ci ndial benu question yi la ñu doon la sayyidul tidiane radiyallahu anhu bamuy wax ci yermane nak mom nak mu ne li cheikh tidiane wax radiyallahu anhu mu neulent ci nit ñi nangam mais après mu développer ko nak mu développer question bob ci yaatu yermane ak yalla manam ñom mana bi ni lañ ci djublu bi ma lay wax ni c'est à dire que ni malgré que li yépp amna mais yi yépp yermane ak yalla la yeurmu nek yalla ci bop moko amal wala wala le fait que taal bi di lak sama loxo lolou sama bop bu moko laale lolou ci bopum yeurmu nek yalla la lak gi ngui koy lak non yeurmu nek yalla la parce que suko lakul buma yekko meun na jeexal sama yaram te duma ko yek le fait que may am ay problème diko xam diko yek bu baax ni li problème la ak nakar la ak jaxle la tit njaqare ak ay ki lolou su dem bopum yeurmane ak yalla la parce que lolou su amul won sama intérêt luma ko xam tout mes intérêts mën nañ compromettre moy tok di sétane manam di teud di nelaw fekk sama intérêt yep ak yak voilà le fait que moy am sentiment bobu moy yeurmane yalla manam le fait que mou may tek lolou de telle source voilà wala ci mbop bu yeurou deug yalla la bo ci bol ak le fait que yoy yep nak ay xet tadjal yar la yeurmu de ci kaw yeurmu de la yoy yep ñun dañ koy gëm dañuy gëm yoy yep ay yërmëneul nangam la imma ilma wa imma zawqat motax gis nga lu mo wax mu ne sa'atur rahma mas'ala la bo xamne mas'ala zawqiya do ilmiyat mahda lol la manam mana bi la doon wax yaatu yërmëne ak yalla gogu ñuy tuddu du masala xam xamu kesse mais luñuy mos luñuy yek yek la bu nit ki war xam war ko mos comprendre ko voilà manam bo voilà voilà et à travers lool donc ça veut dire que awam yi day mënuñu comprendre lool ñom mënuñu comprendre ni yépp ay yërmënde la mais en fait yoyu ay xéet yërmënde la mais voilà deng voilà kon nak fi munafa talaba sakuna al musalli ay julli ji min allah ci bur yalla taala aji ko aji as-salatu julli ala habibi ci soppem bi sallallahu yalla julli ala baraka alayhi wa sallam tam dool ko mu antakuna ci mu nek barizatan bi aji balle min ayni al inayati ci jemi manam jox yittewo ak jappandal wayete moy shiddat taruk al i'tina yittewo bi shay ci dara fa hadha li ma'na muhim ma'na wa alayka at sako manam manaw ci sako lu fat ke mu ñaan yalla yalla bo subhanahu wa ta'ala jox yitté bu kawé importance bu reuy assistance bu mak ci yentum sallallahu alayhi wasallam ci julli bi mi julli ci mom lool moy wa alayka manam mu ngarda jox mu nek lo xamne vraiment da koy jannu tek ko bopom ni vraiment voilà li nga xawlu wax bi mu wax ne wa sallim legi nak lool moy parti bi ci dess moy wa sallim alayhi salaman tamman amman shamilan qawlu wa khumna wa sallim yalla nga sallam alayhi wa sallam ak sulmul tamman bo xamne bu matla aman bu wa man tamman bu matla wala bok motaliko aman bu matale shamilan bu lambo lepp wa wa mana assalam sulmul nak hu moy guna fi hu moy al amanu ak kolute min allah bu tukke ci yalla taala ajkajul habibi ni soppem bi sallallahu alaihi wa sallam alayhi wa sallam te mu dol ko mu min kulli ma ci lepp lo xamantene yuju bu day waral tashwishan ak ñaawal aw wala bok tanghisan ak yaq aw wala bok naqsan ak wañe ko fil hadd ci tir al ajil bay aji tew wal ajil ak bo xamantene moy buñ deggal bi ñew ci kanam de nga kon yeb han lepp lo xamantene lool la manam selmul gogou manam moy mu doliko muccu gogou ñu wax manam sallallahu alayhi wasallam moy mu doliko muccu lool lay tek alayhi salatu julli wassalam bu ñu lekk lay muccu gogou lool lay tek manam moy mu am koolute manam mu nekk en sécurité totale par rapport ak lepp lo xamantene day waral ak yak ak wañeku ak tilimal ak ak wañi ci ciir bu mat seuk bi nga xamantene mom la wara am ci manam lu tew lu jégué ak lu sori dans tous les termes ça veut dire court terme long terme voilà moyen terme depp voilà donc lool mom moy assalam qawlu gi mu wax nak ne wax ji mu wax ne ta man bu matale manam bu matale ko yani mi ngi ci namu muhitan bu pet bi jami'im ci mbolam al umuri mbiri la yaqawdu rot lawo ñeel ko mum yentu bi sallam manam selmul gog manam muccu gog mu koy dox du am tashwishun luy manam luy ñaawal han wala tan gisun wala bok luy yaq han fi jami' al umuri ci bolam mbiri la lol tamit leer han wala amna ci yenn ki mo nu fa tan gis wala tashwish wo mo yoro la non yo tashwish no la tax wala ayo kon lol la manam lepp moy ne taman kon lol la moy lu mat rek moy ni nga xamantene mom moy lo xamne day pek mbole mbiri ba nga xamantene lu yaq lu gulu koy ñaawal lu koy wañi amu ci du ci am ci mbole mbiri wa qawlu wax bi mu wax ne nak ne aman bu matale shamilan bay aji lambo lepp manam ma'tufatun manam ay ataf lañ manam moy dañ ko ci lekkale dañ ko ci boole dañ leena boole ñom ni li taf ni ni ngir mëna woutale fil ibarat ci waxin wi manam lool la rek manam bo xolé lu matale lu lambo danaka ben la mais ngir rek vraiment bëgg insister redondance bobu ci lepp lo xamantene wala ci matale gogou non qawlo wax bi mu wax ne li an wa manam kon dafa wara nek lo xamantene kon day matale day lambo lepp day matale day lambo lepp manam lan lay lambo legi mu ne li an wa'i ngeel mbolal xeti kamalati matu kudusika sak cielate gu jigi day la kon mbolam li nga xamantene perfection de ta perfection sanctissime daf ci nek sa du ki xet yoy toutes les types façon catégorie yeb perfection yoy wala la perfection de ta sanctification wala sanctité voilà daf ci nek lolu hein voilà nako lepp matal manam nako jamm joju matal selumul gogo nako matal wala la lay wax moy kawlu wax joju wax li arwa ci xet kamalat mat qudsi ka sak cielate gogo bu jegi day yaani mi ngi ci namni anno nak mom zakara dafa tuddu ha huna fi ni umum assalam manam matalek selumul gi manam muccu gogo wa shumulahu ak lambo gi mu lambo ak lambo gi mu lambo li anno ndax kat jul selmal goga shamilun dafa lambo li jamee ci ñeel molem kamalat matik al qudsi gu selate gi donc c'est ça moy voilà les perfections de la sanctification divine wa huwa tam moy wuruduhu rotam min allah ci tukke ci yalla borom subhanahu wa ta'ala aji kawedi min hadrati tukke ci hadara zatihi nek manam ci zatam deug fa innaha ndax mom kat ha an shaymilat lu aji matala la ala jamee ñeel molam wujuhi ci waluk al qudus ak cielata donc lool le fait que mu tukki ci hadara bobu hadara nek borom subhanahu wa ta'ala mo lambo mbolem borom subhanahu wa ta'ala cielata gi nga xamanteni mom la sel manam mbolem xet yoy kon manam selmul gogo kon dafa bëgg mu tukki ci hadara nek borom subhanahu wa ta'ala voilà c'est donc la l'instance la haute instance de ça de son essence voilà wala l'instance la présence la haute présence la haute instance qawluhu wax jim wax ne legui nak julli yoy mu ne salam kon gis nga de nga mu ne daimayni muttasilay daimayni yo xamantene aji sax lañ muttasilay ni nek aji jokolo parce que la permanence moy daimayni do nek permanent mais muttasilay moy ni nek lu continu c'est avec mo bañ am discontinuité est-ce que la différence entre permanent et continu voilà parce que permanent moy lu sax lo xamantene mom manam sa fréquence tout le temps même bi lay doon cette régularité là voilà et la continuité moy le fait que mu bañ am ben rupture voilà dëgg kon daimayni aji saxla motax dara mën na nek lu permanent ci du continu day parce que da fay am ay discontinuité voilà dinga motax gis nga daimayni gis nga mëna at tasniyatu hein manam ñaarel gi nga xamne mom lay def fi manam le fait que mu tuddu par ñaar ha huna fi ni li salati ñel na julli wa salam ak muccu gi ak muccu gi gis nga julli gi kon ak muccu gi na nek ñaar yo xamne dañuy sax ba par dañuy jokkolo gis nga kon mu ñaan ñom ñaan ñepp ñu nek da imeen nek yu sax nek yu jokkolo wa qawlu wax yu wax na muttasilayni aji jokkolo raf'an ngir yegati lima ñel li nga xamne yuhi mu dana def lo fi dawami ci sax gogo gis nga bi an ci ne yuf'alun ñu def ko maratan ben yon wo yoqta ñu rat ñu dok ko ukhra benen yon fu mo top yaawdo ñu delo wat fi ila dawami ba karam moy sax gis nga manam moy luñ doon wax legi manam kon lool la manam ngir yegati set manam im nga meuna imaginer ni affaire bi day meuna continue day permanent mais day am ben moment day arrêter après mu court permanent wat mu arrêter permanent manam mu nek lo xamantene day am arrêter amat arrêter amat arrêter amat ba infini permanent mais sauf que continue wu legui nak lolu nak lay dak manam motax mu tek mu tass lay ni way a jokolo fa hada li dawamun ak saxlaf mu top nak afafa mu dadi jokko alay ci mbir moma bil ittisal ci jokolo bi anno nek am mom han bu boba la yafru du fiix du bayyi zalika lola hatta ngata lahzatan ak gende ko wax defan ngay genn gong manam meme ben tiers do nga du ko bayyi fi hada ittisal ci gogol ak jokolo moy discontinuité rupture du ci am abadan li anno ndax kat mom julli goga ak selumal ga ñom ñaan ñep mu tassul ber bu ci nek mu tassul dafa jokkolo baabu lenn bi baabu ak la ci tass qawlu wax gi nga xamantene mom la wax ne yalla na nga julli kon julli yoy nga xamantene ak selumal yoy nga xamantene dañoo lambo lepp matale mat seuk ci mbollem manam nek ci mbollem xeti matale borom subhanahu wa ta'ala nek yo xamantene dañoo sax ba bare nek yo xamantene dañoo jokkolo yalla nang ko julle ala khalilika ci sa kharit ba wa habibika ak sa soppe ba min khalqika ci sumindi fi sallallahu alaihi wasallam qawlo wax gi mo wax ni al khalilu kharit ba wal habib ak soppe ba yahtamilu yanuna ni manam man na nek ha huna fi ni atafa dafa atfa atfal bayan la manam atfal bayan manam mom moy dafa mbir mi manam jëmmi kharit gi moy soppe bi manam lolo man na nek waye wal murada fa waye mën na nek lo xamne murada fa la manam ay mbir yu bokku tour la moy synonyme liñ nane synonyme bi kawni ci nek al habib ne soppe bi huwa mom moy al khalilu kharit bi rek wal khalilu ta kharit huwa moy al habibu soppe lol tam mën na waye waxte mulu mën na jappani ne mën na gis mën na yalon mana bi mën na yalon ne al mukhayarat ak ku wute mo ci am manam mën na nek na parce que lolou mo wuté atfu bu kessé ni ak atfu bayan parce que atfu bayan day même bir mi la sauf que dañ ko voilà dañ ko lekkle comme bu mané alhamdoulillah rabbil alamin même moy kat allah bi wax na mo alhamdoulillah rabbal arrahman mukal la arrahim wa yu atfu bayan la malik yawmiddin wa atfu bayan la wala c'est-à-dire que ba légui alors que amul waw ci sen digënté amul lénen mais voilà c'est-à-dire que amul il y a une coordination mais il y a pas de conjonction de coordination voilà lolou may ak fu bayal manam limay wax manam modou mu bax mu sel ni voilà lolou ka fu bayal la buma ci tege te mu ndjol te sew wala koku ak fu kesse ma conjonction de coordination kesse la and ak ne bo xolé ñom ñep ñoo bokku rôle bi ñu jé te mu moy ay qualificatif la wala leng kon fi mu ne kon mën na jappal ne fi ak fu bayan la manam ay kon ay lan lañ mais sauf que bob mais mu and ak al murada fa moy synonyme le fait que kharit moy soppe di kharit waye nak man na nek na al mughayar mo fi am te lol moy ci sanu afu manam ci ki ma comme li qaqal usul la al afu yaqtabi al mughayara wala conjonction de coordination da fay impliquer une différence conjonction de coordination da implique une différence wala moy al afu yaqtabi al mughayara comme là le seau vert est petit et bobu ma ci tek moy wone ni vert ak petit du ben amna différence voilà Voilà. Il est court mais rapide. Mais conjonction de coordination. Il est court mais rapide. moy wane ni cour ak rapide du wer manam collision de coordination di impliquer une différence voilà li lol moy xaya dama al utiliser nagn ko fan yi ci ben masala ban lo diapotou ni ci filo won de wa moy différencier entre salat ak rahma alayhim salawat min rabbihim wa rahma ha waral na sen taw lan salawatun ay julli min rabbihim budu ke sen borom wa rahma ak yermane moy wanene salat ak rahma du ben kon julli tekki wul yermane ma al atf yaqtadi al mughayara de nga kon boba wa in khulna buñ waxe bil mu bu fekente dañu wax manam ñu japp ñu supposé ni bil mughayara ci wute gogu nak ha huna fi fal murad kon li ñu nam bil khalil ci kharij alladhi moy nga xamantene yaxtasuhu daf ko jaglel bi asrarihi ci ay mbotum yusaruhu mum di ala mom bi asrarihi ci ay mbotum am jamee khalqihi wolif mbole minde fi fala yaarifu kon du xam asrarahu ay mbotum khayruhu kon du kenen ku du mom min khalq allah min khalqi minde fi waya nak kon boba lan moko wutale kharit mun la wal habib boba bu mun kon nak aw lan moko wutale soppe mun wal habib soppe huwa moy alladhi nga xamantene yaktanizuhu daf koy manga fi batin nafsihi ci biru ci bir bopam fa laysa du nek indofo fa mom fil khalq ci minde fi habibun ab soppe yu adiluhu bo xamantene dana kemok mom dana yemok mom dana diirante ak mom mbag fadalan yalla tere han an yakuna ci muy nek ahabba ko xamantene lay gëna sopp ilahi jëm ci mom minhu ci mom sallallahu alayhi wasallam wa kayway kon lool moy différence denga voilà denga de nga neena xarit kon moy lan booba xarit moy ki nga xamantene da ngay deeyalek mom diko wax sa secret yi gëna intime ci yow Allah diko wax sa secret yi gëna intime ci yow wolif mbolam yeena mindi fi manam kon yalla non la defal yantay sallallahu alaihi wasallam kon li nga xamne moy mboto mi secret mi nga xamantene mom la koy manam du ko keren ci minde fami du ko xam bu boba buñu waxe soppem moy nga xamantene daf ko jël mu nek trésor bu mu garder ci bopam gardal ko bopam ci biram nga xamantene amul kenn ci bir minde fi ko xamantene da na ko sopp bam nañ ni mu soppi ante bi sallallahu alayhi wasallam yalla téré ñu nan koku la gënu sopp kante bi loolu mëna né sallallahu alayhi wasallam bu ya une différence entre khabib ak habib fi mas'ala amna fi moy xar ak soppi ban mo gënu fort al khul wal mahabbat wala bok al khalil wal habib xarit ak soppi dafa am en fait wax yi nak bari nañ ci wax yi bari nañ ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim li gëna bari ci ñom dañu gis ne soppi mo gëna fort ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam mom la mom moy habibullah sallallahu alayhi wasallam et que Sayyidina Ibrahim alayhi assalam moy khalilullah khartu yalla assalam mu am lool moy li upp mu am ci ñom ño xamantene ku melni al imam ibn al qayyim rahimahullah mom dafa japp ne kharit mo gëna fort soppé ngir le fait que d'ailleurs wax ji ñi wax ne mam ibrahim sallallahu alayhi wasallam moy khalilullah e kayen sallallahu alayhi wasallam moy habibullah wax jojo bon non anduma ci quoi manam mom andul ci différenciation bobu par contre liñ mëna wax moy al khalilani ñaari xarit mom non la ko jappé ni ñaari xarit yi ñoo gëna foor comme li yentibi wax sallallahu alayhi wasallam ala inna allaha takhadhani khalilan kama takhadha ibrahim khalilan walau kuntu muttakhidhan khalilan lattakhadhtu ababakar khalilan walakin sahibi fi din yalla daf ma jappé xaritam comme ni mu jappé mom ibrahim alayhi assalam xaritam et que man suma don jappé kenn xarit te lol mi ngi koy wax hadith ni ci sahihi mi ngi koy wax 5 jours avant mi genn aduna suma don jappé kenen xarit kon Abubakar lay jappé xarit suma don jappé kenn xarit ci mi fi xalq ci bir minde fi kon Abubakar la ko mais nak sama ando dal la ci diine wow ya nek nga gis khalid kharit ni mu foré comme li ñi jang hadith khalla hadith khamur ak khalla pourtant yakara sharabani waxuñu ci ki wuñu ci parti bob sax manam de fat la expression bi ak wouté gis nga khilal moy ci digënté dara manam à travers khilal khal moy bi nekkal ndax sangara ci niko particule ki non ni binegar gi ni mu koy xare ba mu manam ni mi xaro ba nga xamantene day mujjé nek binegar day genn ci ki bop voilà et que xal mi yitan moy digënté bëñ xal voilà gis nga digënté bëñ ni mu sévé espace bop ni mu sévé voilà anta way kat arab bi dani takhallal ta maslak ar-ruh minni waliza summi al-khalil khalila fepfu sama ruh fimi jaar yep ci man takhallal ta manam xar nga ko ba jaar fa donc traverser nga fepfu sama ruh jaar fepfu ruh di jaar ci yaram rek jaar nga fa ci man li motax xarit ñu tudde ko xarit motax terme baatu xarit c'est un terme extrêmement fort gis nga du baat bu ñuy jëfël bu ñuy utiliser à la légère comme ko dégg le diw sama xarit la motax sa yuma déggé baat bobu daf may interpeller sa yuma déggé nit ni diw sama xarit la rek daf may interpeller tout temps manam jamais ma dégg ko après mu daal may bayé nonu tout temps damay xol bi est ce ki xamna baat ñu utiliser la lété la takhallal ta maslak ar-ruh minni wa liza summi al-khalil khalila wala gis nga eta motax borom bi subhanahu wa ta'ala gis nañu muy wax nan inna allaha yuhibbul muttaqin yalla sopna ñu ragal yalla inna allaha yuhibbul mu'minina yalla sopna ñi gem inna allaha yuhibbul sabirina yalla sopna ñan ñi muñ et cetera amna 12 ci alquran type de nit yo yalla ne sopp na len yenenbi sallalahu alayhi wasallam comme usama ibn zayd radhiyallahu anhu wa hubbu rasulullah sallalahu alayhi wasallam soppe yenenbi sallalahu alayhi wasallam et cetera mais khalilu rasulullah sallalahu alayhi wasallam yenenbi neena du mom amul xar yalla dal mo xar manam ci ngay gisee terme bobu ni mu gëna fort motax al ci buntu bobu manam ñooñu seen wax jodu bok xolé haqiqatan day gis deugaraay bi mu deugar ci buntu que le fait que baatu xarit mo gëna fort quand même que baatu habib et que le fait que même bo xolé ni nga xamanteni bo xolé ni Sidi Ahmed Tidiane wax ni radiyallahu anhu da ngay gis ne dalay indiquer plutôt ci sens bob c'est à dire que xarit moy nga xamanteni ce secret yi gëna intime ci yow donc koy wax c'est à dire que xarit comme dafa xar nit ki manam et d'ailleurs même wolof non la ko wax wolof batu xarit moy une partie c'est à dire que xarit manam xar voilà c'est à dire que voilà c'est à dire que c'est une partie de lui-même hein moy voilà moy djuf xarit comme buñ nane buñu comme gourou xarit gourou ñaari xarit la am gourou bolé moy ben nit ce qui fait que moy xar lool la moy ki nga xamantene vraiment mom sa yow sa mom existé wulo mom sa yow existé wul c'est à dire que il voilà et qui bobu non dugunte bobu lola tax yantou bi sallam munul nangou kenen mana nek xaritam kudul yalla and ak sayyidna bakkar radhiyallahu anhu ki mu do mais sahaba ay radhiyallahu anhu dañ koy wax ne ñom xaritam lañ comme sayyidna ibn mas'ud voilà samiatu khalili sallallahu alayhi wasallam yaqul wala sayyidna abu hurairah radhiyallahu anhu hakaza ra'aytu khalili wala samiatu khalili abul qasim sallallahu alayhi wasallam yaqul biigna sama xarit ba abul qasim sallallahu alayhi wasallam wala sama xarit yantou bi sallallahu alayhi wasallam voilà ñom sahaba ay radhiyallahu anhu dañ wax ne ñom xaritam lañ mais par contre yantou bi mënul wax lool ci ñoom voilà c'est tout voilà té mam ibrahima alayhi salatu wassalam mom moy deuxième mindeef bi gëna kawé ci mindeef yent yalla sallam moy deuxième bi alquran bo xolé ba alquran daj mom rek la ci affirmer ni mom ki xaritam mu leer ñepp xam ko واتخذ الله ابراهيم خليلا يلا جابنا ابراهيم خليلا الله تي ليم كو سيدل سيدل كو كينن سيدل ما ابراهيم عليه السلام لو خامني سيدل كو بنين مينديف وابراهيم الذي وفى ابراهيم ميغا خامني عليه السلام lepp matal la ko lol cede lu ko kenen gis batou xarit c'est extrêmement fort du terme bu ñuy utiliser à la légère diw sama andando la diw sama am di jamm la yoy yep mën nañ ko wax sama soppé la sama xarit la c'est une expression. En tout cas, xamna ni dal jamono ji mom niñ koy jëfëndiko mom c'est très léger. C'est un terme mais extrêmement léger mom. Même légui da ngay and ak nit sax kenn dal manam mu lay présenter dal ki sama xarit la. Mais ça dire que yow sa bop est-ce que xamna ni wax? Est-ce que comprendre le terme bi manam expression bi mu jëfëndiko? Way bo utiliser benen terme yow boy présenter nit ki ni ki sama connaissance la. Oui. Ak yoyu manam ki ng koy wax mën na japp da koy dévaloriser parce que présenté ko peut-être en tant que xarit non mais c'est que c'est seulement mais moy xam nga moy dañu may sens aussi et que d'ailleurs bo xolé jamono ji lolou bokku na ci moy jam bokku na ci problème jamono ji hein xam nga tay par exemple lolen ngay deglu radio ñu la rew sambam sangam am mënd fa mo mënd lu mi té moy déluge alors que inondation rek dafa am manam taala dafa ta ñu na mënd la wala ñu né fofa la dafa am jëfëndiko baatu manam ndool wala ndool alors que ñak mo fa am mi ni defandiko baat ndol c'est là ay terme la yo xamné dañ ko wara mesurer quand même voilà buñ né fi ay tueur yi mo fa am wala homicide wala yu mel non bokul ak buñuy wax né génocide mo am wala hécatombe non ce sont des expressions yo xamné manam benn bu ci nek tolo wala morom même da nga gis nit ñi légui non lañu waxé man ki na ñu tudde ci xamatuuma ci luma né dama jax na digi alors que en réalité benn problème bu ndaw lañ am voilà même da nga gis même en qui oui on est sidéré c'est manam ça dit que xamatuñu poids mouy mouy dañu am ay poids mouy dafa am ay poids et que mou bu né il faut savoir l'utiliser à bon escient voilà fan lañuy jëfëndiko bat bi ci li lañ koy jëfëndiko et que bu wesso degré bi ça veut dire que buma utiliser li degré bobu c'est bobu soit c'est moindre wala c'est plus grand au moins pour voilà voilà leen ngay wax ak nit leen ngay deg nit di wax ak yow ni wax la lo xamantene yow après manam di la décrireul ben situation mais nim koy waxe yow da nga japp ni li tax ko graw mais bo demé ba gis ki bi da ngay gis ni nekete gënul na graw mom nim ko waxe c'est presque tout simplement moy utiliser la wala mu wax la lo xamne mom yow mom da ngay jaxaso parce que nimou lay décrireul le mbir mi moy reuy ay bo xamne alors que yow bo démé ba ki après nga gis ni non mais il a exagéré quand même ci description parce que tout simplement aussi parfois dou dañ koy tay sax mais dañu xamul dolay moy en fait dañu xamul dolay moy kon en tout cas lool moy tekantal mais cependant comme li al imam wax ibn qayyim rahmatullah alayhi ene xarf mo gëna fort et que yent sa sa dañu wara wax ne ki la et que am en réalité amna hadith bu wax ne yi wax ne yent bi sallallahu alayhi wasallam mom nan ne mom moy habibullah ne ma wara sa ma khalilullah et que mom habibullah mom do ko xamul existe suma djum moy mi ci sunan daru ko ni rahmatullah alayhi sunan darimi rahmatullah voilà mais yent bi sallallahu alayhi wasallam mom ci bopum wax na mom moy habibullah wa ci kaw lolou kon ginnaw bi mu melale ne mom ibrahim sallallahu alayhi wasallam mom moy khalilullah et que yent yalla musa sallallahu alayhi wasallam moy kalimullah yent yalla isa sallallahu alayhi wasallam moy ruhullah mom yent bi sallallahu alayhi wasallam yent bi ne ko xana yalla ne ko xana doyu le ne yow yaay habibullah ya gis nga kon habibullah mo gëna for voilà d'ailleurs même xol ci maqamul qurba bobu moy afradi sen maqam bo mo xamne ñoom dafa spécifique ci ñoom da ngay gis na maqamul khulla mo manam maqamul qurba maqamul moy mahabba bobu ahlul mahabbati ñu gëna for ahlul khullati voilà hein parce que ñoom yalla da leen duggal ci batinu kiyo parce que en fait khulla ci li manam liñ mëna wax moy dañ nan c'est vrai de manière générale buñ jëlé de manière générale habib manam lolu amana moy tékantal bi manam moy ñom ñaari groupe yoy yeb kenn ku ci nekk li nga wax deug la c'est-à-dire que buñu jëlé habibullah de manière générale khalilullah manam mo gëna fort lolu de manière générale parce que mère parce que kharit mo gëna fort soppé mais buñ ñëwé ci cadre niveau yu kawé manam ba niveau yu manam bu boba nak habibullah moy upp doole manam comme yenté bi sallallahu alayhi wasallam digënté mak mam ibrahim sallallahu alayhi wasallam habibullah moy upp doole khalilullah alors que de manière générale buñ né yalla comme dafa sopp ni té bëri na ci alcorane tam lu yalla ñu yalla li sopp nak sopp na nangam voilà lolu bëri na mais et que kon fofu xarit mo gëna for sopp xarit mo gëna for soppé comme ni nga mëna waxé de manière générale ni ñi diw sama soppé fofu de manière générale nga na diw sama soppé la mo gëna moins fort que diw sama xarit la de manière générale mais buñ ñëwé ci niveau yu kawé yoyu comme niveau afrad wala yenenti ya ali musallallahu alayhi wasallam sen niveau manam ci maqama yi bu boba nak khulla mahabba mo gëna fort soppé mo gëna fort xarifo lool moy ci à part de niveau afrad yi jëm kaw jëm niveau yenenti ya ali musallallahu alayhi wasallam à part de sen niveau et que mahabba mom moy moteur bi dawal al khulla manam soppe tiof soppe tiofel gogo moy moteur bi dawal kharito gi motax ko xamantene mom soppe kesse la mo upp doole ki nga xamantene xar manam wala ki nga xamne mom dem na ba nga xamantene soppe kesse kesse la bu raxul dara mo upp doole nek kharit voilà au moment où comme auto bi ben affaire la mais moteur bi koy dawal moko upp doole voilà amana lol mom moy moy taqatal wa dafa melni e bu ñëmé fofu sax da ci dal yi ci bu ko dafé benen yoon ñu dugg ci ala dama fi amna ka khalid hein والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين